spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Nous appelons à la barre le lundi 22 janvier 2017. Monte le volume, mon ami, et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Pour allumer l'émission, pour commencer en force, pour se donner la propulsion désirée, un album mythique, un groupe mythique, que des chansons mythiques. Exactement, vous savez. Lire entre les lignes. Ah, moi, Nostradamus et moi, là, on n'est pas loin de communiquer ensemble par les saintes lignes droites et zigzagantes de la planète et de l'interstice planétaire. Donc, je crois bien que Monsieur Gagné, nous allons nous offrir une petite chanson avant de commencer quelque chose d'assez exceptionnel. En avant, pas en arrière. Sur les côtés peut-être, mais ne reculez pas devant. Ah, c'est en haut que ça se passe, dans le Nirvana. One baby, two, another says I'm lucky to meet you. I'm done. That's it. ça finit toujours comme ça, le rock and roll, hein, quand c'est bien réussi, là. Ouais, merci. Est-ce qu'on peut réentendre le... Bon. Rock and roll. Okay, well, we know that one. Oui. That's Monkey. OK, c'est la chanson suivante. aujourd'hui, avec les... comment ça va, vous? Oui. Exactement. Heureux de vous rencontrer, de vous savoir là, malgré le lundi, matin, très tôt. On s'attarde plus maintenant aujourd'hui avec les nouvelles plateformes sonores. Comment? Oui, oui. Je voulais éternuer, mais pas dans votre oreille, madame. Hein? Mais ça ne veut pas sortir. Très mauvais choix à la radio, mais on ne choisit pas le moment où le nez veut s'exprimer. Donc, aujourd'hui, hein, avec les nouvelles plateformes sonores, MP3, Wave, FLAC, Bing, Bing, Bang, Bang, Bang, Ding, Ding, Ding, FLAC, on porte beaucoup moins d'attention sur la pochette. Non, non, j'en arrache un peu, là, mais on va partir. Là. Faites-vous-en pas. On est encore accosté. J'ai ma perche, puis j'essaye de me déloger. Là. C'est boueux, boueux, mais on fait, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça va bien aller. On va respirer par les naseaux, faire sortir l'air par la mouche. Les naseaux, la mouche, le naseau. Là, non, c'est inspirer, inspirer, hein? Et puis toi, ça va bien. Inspirer, puis expirer. Non, c'est expirer. Inspirer par le nez. Pourquoi on est... Attends un peu. Ouais, c'est mieux d'inspirer par le nez et de sortir ça par la mouche. En tout cas, ça, c'est chacun sa technique. Et puis, on est beaucoup moins attentif aujourd'hui, en 2018, par la pochette. Pas la pizza pochette, là. Puis en plus, c'est un scandale que l'on vit depuis deux ans. Non, un an et demi, la pizza pochette a changé. Il y en a moins, il y en a 4 au lieu de 2, mais le prix est resté au prix de la 4. Quand tu l'ouvres, oh, un record! On te fait croire qu'elle a grossi davantage, on t'a glissé la moitié d'un pepperoni, mais t'en as 2! Tu t'es fait avoir, encore une fois, mon consommateur! Moi, j'ai jamais aimé ça, la pizza pochette. C'est bien beau de ne pas s'encrasser les mains en voulant manger quelque chose d'immangeable. Tant qu'à manger une pizza, mangeons une pizza classique, comme la terre. Je m'explique. Je m'explique tout le temps, moi. Là. Faites-vous-en pas, là. Craignez pas. Tout a un lien. C'est moi, là. Ensuite, moi, ça monte comme ça ici vers le... Ben, normalement, moi, ça monte vers le haut. Hein. Ça monte comme ça. Moi, je sais pas. Je suis optimiste. Je monte vers le... Je monte pas vers le bas. Je monte vers le... Je monte vers le... des fois, vers le... Mais je le dis pas. Je le dis pas. Je reste assis. Je bouge pas. Je parle pas. Je rencontre personne. Je me motive, là, à monter quand je vois que ça monte vers le bas. Je dis non, non, non, non, non, non. Ah non, regarde la petite bouteille, mon Renal. Tu t'es trompé de posologie. Ton médecin t'a dit 2 antidépresseurs, pas 2 bouteilles d'antidépresseurs par jour. Oh là là là là là là là. Combien d'auditeurs sont aux antidépresseurs? Plusieurs ne le disent pas, hein? C'est un secret de polychinelle. Quoique le polychinelle, moi, il s'est exprimé là, la nuit dernière. Parce qu'avant de faire mon émission, je cogite. Ça veut dire que je dors dans un lit avec 4 personnes. Ah, cogite, cogite. Et non, mais il n'y a pas de... Si je regarde les racines, quand je compose intellectuellement les racines du mot cogiter, il n'y a pas 4, là. Mais pour vous, M. Gagné, vous voyez 4. Ah, moi, je vois 4 partout. Moi je ne sais pas, les 4 m'apparaissent là, comme des symboles numériques. Du siècle à venir. On dira plus 1, on dira plus 2, on dira plus 3, on dira plus 5, on dira plus 6, on dira oui, plus 7, plus 8, plus... Oui, on va dire 4. Pourquoi 4? 4! Ben, 4, parce que c'est pair. Déjà là, c'est pas impair. À 4, on peut créer une discussion. À 5, il y a toujours de la bisbouille. À 3, il y a de la bisbouille. Seul, il y en a aussi. Ça dépend des personnes. Quand c'est impair, n'invitez pas, madame, mademoiselle, si vous savez que vous allez être un chiffre qui ne peut pas correspondre à la communication. Je m'explique. 2, 4, 6, 8, 10, 12, vas-y. Mais pas 3, 5, 7, 1 encore, 7, 9, pas de chiffres impairs. Il y en a toujours un qui sera exagérément exclu. Et wow, voilà, passer ça aux toilettes. Puis quoi que s'il y a trop de plaisir aux toilettes, ben là, vous allez en perdre 3 à la fois. 1, 3, 5, toutes les impairs vont aller dans les toilettes, donc il va rester impair aussi à l'extérieur. Tout est impair fait sur cette terre. Oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu chantes avec le sourire comme ça, là, vous me voyez à la radio, là, j'ai un sourire. Là. Toujours garder le même petit sourire pour dire hey, « Moi, j'ai tout compris, c'est pour ça que je vous témoigne. Alléluia, alléluia, alléluia. » Je suis lumineux, le saint est rentré, les deux saints de Pamela, c'est là que ça se passe. Alléluia. Version gospel. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. On se croirait vraiment dans une soirée gospel. Attention, le gospel, Rénal arrive! Oh, bo, bo, bo, bo. Il n'y a pas... Non, non, faites-vous-en pas, il n'y aura pas trop de concurrence. Il va y avoir des... Non, il va avoir un con, mais pas de concurrence. Mais il va avoir un solide con, là, qui va s'exprimer en chantant « Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ». Les albums, aujourd'hui, on ne fait pas attention aux pochettes. Les pizzas pochettes, c'est sale, hein, pour les... Non. Mais c'est sale quand tu le payes, hein, quand tu te rends compte que... Hier, t'es aimais-tu tes petites pizzas? Le lendemain, tu vas au même magasin, tu te procures une boîte qui est pas semblable, c'est la même marque, là. C'est écrit « Pizza pochette ». Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Du lundi à mardi... Pour que là, moi, devant le congélateur d'une grande surface, je vois une boîte de pizza pochette qui n'était pas celle-là la veille. La boîte s'est-elle transformée? L'univers est-il ainsi devenu aussi rapidement fécond? Fait qu'on va l'acheter à une boîte, on va vérifier. Hein? Fait qu'on fait confiance à notre compagnie préférée de pizza pochette. Mais, Kane, là, devant la caissière, elle dit « Ah, man, vous l'essayez? » Ben, je l'essaye. Ben, je l'ai mangé hier, mais c'est pas la même. Je sais pas, la configuration n'est pas. Peut-être que mes lunettes ont... Mais j'ai pété sans doute. Ben, pas pété, je mange moi la soupe aux pois, très peu, madame. J'aime pas ça, la soupe aux pois, moi. Je suis né... en me disant, jamais mangera soupe au pois, toi. Soupe au pois, toi, en parlant de moi. Moi, pas de soupe au pois. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Et on ne se pose pas trop de questions. Ça vient, ça s'illumine. Quand ça s'illumine, ça s'élimine. Ben oui, parce que quand la lumière est forte, le message est fort. Comment ça, ça fait de pipe? Ça en vient? Déjà? Non, ça fait de pipe. Ça fait de pipe? Ah, man! Ou la braguette de... Ah, man, non! Ah, fait que... Pizza pochette, ouais. J'étais bien parti, là. Mais je me suis fait distraire juste par un peu. Je sais quoi, là? J'ai-tu mangé sans savoir la soupe? Mais en tout cas, quand la lumière est forte, quand le message est fort, c'est clair, net, fret, net, sec, on revient plus là-dessus. Fait que là, tu peux passer à autre chose, là. C'est radical. Quand c'est radical, c'est fini. Tu tournes la page. Tourne la page. Tourne la page. De soir vient dans les couloirs. Tourne la page. C'est un grand succès. Grand succès pour les néophytes. Les néophytes. Il fait pitié. Ils font pitié. Ils sont dans l'aéroport. Tigui Clouclou avait réservé, bien sûr, une hôtesse de bière pour déboucher. Hein? Il débouchait pendant qu'il regardait le clip en train de se faire. Hey, là, c'est le succès. Le village a pas des pizzas pas faites, pas des pizzas pas faites, oui. Là, les albums aujourd'hui, on fait pas attention à l'image. C'est ça que je voulais en venir. Par exemple, l'album, le disque de Nirvana que l'on a entendu en début d'émission, là, Nevermind. Nevermind. Nevermind my life. Pourquoi pas en français? Jamais trop de succès pourra me monter à la tête. Si on met du réverbo. Jamais. Ah oui, on sent le succès. Jamais le succès me montera à la tête. Jamais l'enfant naîtra dans un tourment du monde. Monsieur, on comprend pas les paroles. Mais il n'y en a pas de paroles. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la chanson contemporaine. Mais on va te le dire, c'est de la chanson. Il y a toutes sortes de chansons. Là. Il y a la chanson Western. Moi, tout est nommé, j'ai le temps, moi, là. Mon émission dure quoi? On a prolongé. J'ai appelé Katia Matinale, là. Ah oui. L'appeler, mais pas sur le téléphone. Moi. Ah non, moi, je l'appelle pas sur le téléphone. Moi. L'appelle sur le clavier. J'ai des touffes. Sur le clavier, j'ai beaucoup de touffes. Je rase pas ça, un clavier, moi. Ah, c'est pas fait pour être rasé, ça. Non. Marjorie l'a dit, hein? La mode est à la touffe. Fait que moi, j'ai la touffue devant moi. Et donc, je signale, je dépose la main sur la touffe. Et j'écris. Ah, écoutez, moi, mon style est tout à fait très, très, très garni, très, très touffu, hein? On pourra pas le dire autrement. Et puis, ben, ça parle de belles choses, là. Pas de mauvaises choses, de belles choses. Moi, les choses qui sont pas belles, je les laisse aux autres. Je pourrais vous nommer là, les écrivains, les texteux, les gens qui aiment les écrivains et les écrivaines, ben, qui n'ont pas de talent, ben, ils font autre chose. Moi, je suis voué au succès, moi. Voulez-vous danser grand-mère? Voulez-vous danser grand-père? Comme au bon vieux temps, quand on avait 20 ans, les pochettes! On parle pas de pizza pochette, on parle de pizza. Nevermind! De Nirvana, en 1984, vite de même, 84. Mais je vais zioter mes lunettes. On va mettre la lumière. Peux-tu mettre... On a-tu perdu... Monsieur Lidro? OK, on a... 91. Nevermind, 91. Oui, je sais, c'est un monopole, Hydro. Avant ça, Bell, c'est un monopole. On peut-tu faire affaire avec autre chose qu'Hydro? Pas, non, je crois pas. Ils le détiennent. Il n'y a pas de discussion avec eux autres. Hé, monsieur, vous nous devez 25,17$. Si vous nous payez pas d'ici 5 minutes, on vous coupe. Monsieur, madame, vous êtes un monsieur, madame? Il n'y a pas de sexe. Ah, il n'y a pas de sexe. Ah, mais ça se voit, vous êtes frustré, il n'y a pas de sexe. Non, c'est que, le 22 janvier, vous n'allez pas me débrancher. Je suis en pleine émission, errance. J'ai un studio ici, là. Je fais pousser de l'intelligence. Si vous me coupez ça, qu'est-ce qui va me rester? Vous risquez de faire plaisir à plusieurs auditeurs et auditeurs. Mais y'a d'autres, oui! Vous allez. Non, coupez pas ça de même! Vous êtes odieux, hydro, idiot, idiot Québec. Vous êtes. C'est inadmissible. La cible, vous m'avez ciblé. Vous voulez anéantir mon grand talent? Mon grand talent. Moi, vous dire quelque chose, ça fait plaisir au public. J'ai commencé petit. Moi, j'avais un petit talent. Un tout petit talent, les filles riaient. Moi, regarde-moi, c'est un petit talent. Ça s'est pas mis. Non, ça a resté comme. J'étais sur mon bateau, tan la lantinana, lance mon patatato, tan la lantinana, lance mon patatata, sur patatato, oui, tu qui, ok, pas d'écho. J'étais sur mon tata. Ok, pas d'écho. J'étais sur mon bateau, tan la lantinana, lance mon patatato, tan la lantinana, lance mon patatata, sur patatato, oui, tu qui, ok. On la refait ensemble? C'est une chanson relax, là. C'est une chanson du lundi. Là. Au bureau, là, vous allez chanter ça. Là. Le public qui m'écoute, j'ai un public qui m'écoute et il va chanter ça. 1, 2, 1, 2. On pensait que j'allais dire 1, 2, 3 de même, mais 1, 2. Non. On fait 1, 2, 1. Après ça, on enchaîne, OK? 1, 2, 1, 2, 3. J'étais sur mon bateau, tralalantinalan, là, sur mon patatato, tralalantinalan, là, sur mon patatata, sa patatato. Oui, du, ok. Pour les gens qui s'imaginent que je dis n'importe quoi, je vais la refaire. Je peux faire ça jusqu'à 2h30 du matin. Madame madame la directrice programmée, elle m'a dit, vas-y, pète. Je dis, moi, je mange pas de soupe au pot, je l'ai dit. Elle dit, monte pas sur tes grands pneus. Tes pneus d'hiver? Non, moi, c'est un clou. 1, 2, 3, j'étais sur mon bateau. Tralalantinalan, là, sur mon patatato. Tralalantinalan, là, sur mon patatitata, sur patatato. Oui, ok. On ralentit. On peut faire n'importe quelle version, man! Mademoiselle, monsieur, 1, 2, 1, 2, 3. J'étais sur mon bateau, tralalantilalan, j'étais, quand c'est ralenti, j'étais sur mon bateau, tralalantilalan, j'étais sur mon bateau, tralalantilalan, sur mon bateau, ok. J'étais sur mon bateau, tralalantilalan, sur mon patatato, tralalantilalan, sur mon patatipatatata, ouais, du ké, ok. Je suis allé lentement, pour les simples, pour le mind de notre monde. Là, on y va en version accélérée, 78 tours, full sentimental, à plein régime, comme on dit dans la diète. Oui. Nirvana, Nevermind, 91. C'est un enfant. Les pochettes. Aujourd'hui, on ne fait pas attention aux pochettes. On ne partira pas avec les pizzas, là, mais. Avec une chanson, t'as propulsé. T'as propulsé toi-même, là. Tu t'aides même plus. Tu prends ta touffue, là. Ton clavier touffu. Tu presses ça. Expédié. Ça part partout, mon ami. Personne ne l'écoute, mais tu dis, hey! Je viens de faire un succès, moi, là. Je reste devant mon ordinateur. L'unité de disquette va payer. Il y a de l'argent qui va tomber. Là, j'ai juste pris un petit verre, là. Pas un petit verre que j'ai bu. Un petit verre pour mettre en bas de l'unité de disquette pour ramasser tout l'argent que le monde va m'envoyer grâce à ma chanson qui va avoir un succès mondial au Vietnam. Au Vietnam. C'est pas le Vietnam, c'est le Vietnam. Vietnam, ça, c'est même pas c'est même pas la campagne. Il y a 3 habitants au Vietnam. Puis quand ils entendent du son, ça devient un succès. Hein? Imaginez-vous la pluie la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu la pluie là-bas. Ça a été numéro 1 sur les radios. Il y a une radio pour les trois personnes. C'est comme mon émission, une trois personnes, une radio, trois personnes. Et CKRL, elle, wow, CKRL, c'est pour des millions. Mais moi, parce que, bon. La tempête se lève. Ah, ça, je suis très bon pour imiter le vent. Dans tous les westerns, là, ils font pas appel à c'est pas un bruitier, Alfred Bruitier, non, à un bruitiste. Ils font appel à Reynald Gagné, moi-même, pour faire le vent, attendez. Attends. As-tu deux minutes, as-tu deux secondes, as-tu deux minutes, quatre consacrés, à te consacrer, pas de consacrer une pointe, ça. Hein, on sent le froid, hein? C'est pas chaud. C'est pas chaud, là, hein? C'est beau mois de janvier, là. Wow! Mois de janvier, goûtons-y. Hein? Pink Floyd, non, pas Pink Floyd. Oh, lâche-moi le Pink Floyd, mon psychédélico dépressif. Nirvana, nevermind. C'est un petit garçon, les pochettes. On s'attend plus aux pochettes. Petit garçon dans l'eau qui court à perdre de l'argent. Un autre, je trouve ça sublime, vraiment, là. Ça représente bien l'album et le groupe. Ensuite de ça, il y a Supertramp, l'album Crime of the Century. À quelle année ça s'est fait, ça? Attendez un peu. Là, je suis sur les internets, le fil est court, le micro est court. Et puis tout est court. Courtisan, courtisé. Soin. Attendez, je vais écrire. C'est écrit Supertramp pochette album. Oh! Supertramp, Crime. Vous le savez, je sais bien que vous savez. Crime. Là, j'écris ça sur ma touffe. Off. Oh, The Century. Ok, c'est déjà là. Excusez. Après ça, ils vont me placer sur, sans doute, l'encyclopédie. Parfait. 60 les 15. 1960 les 15. On appelle ça un classique. Et le troisième album du groupe Supertramp, sorti en 1974. Pourquoi il dit 75? Non, c'est moi. J'ai pas dit 75. As-tu dit 75? Raymond! On va l'amener ici. Raymond! On va l'amener ici, excusez-moi. On va l'amener. Raymond! Mon petit Raymond, viens à Raymond! Elle me dit une cacahuète. Il aime ça, les cacahuètes. Raymond! On a de la cacahuète! On t'a acheté la grosse cacahuète, là, pas de la petite cacahuète. Non, Raymond! Hey, lui, là, c'est le gars. Il y a Olga, la russe longiligne et sublime actrice, mais il y a aussi Raymond. Olga! Qui m'a mis sur mon papier? Crime of the Century, Supertramp, 1975, le public est là, là, des millions à soir, des millions, le man, Thibauté a appelé ses amis, hey, écoute ça, c'est quoi, RL 80.9, 9, 80, c'est lundi, écoute, appelle pas, écoute, non, c'est à la radio, pas à télévision, peux-tu prendre 89, il n'y a pas de radio, non, oui, c'est à la radio, pas, j'ai pas de télévision, mais moi, j'ai un homme, mange tout, mais... Ah! Crime of the Century, 74. C'est le premier de la formation classique. Comment ça, donc? Et le troisième album de Supertramp, sorti en 74, est le premier de la formation classique du groupe Rick Dave and Roger Hodgson. Ah, peut-être Rick Davis, parce que D-A-V-I-E-S. Il se rejoint par Dougie Thompson. Hey, Dougie Thompson. Hein? Dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, dougou, Thompson, basse. Et ensuite, Bob, en tout cas, la formation, qui en classe au top 5, le top 5, mec, au Royaume-Uni. Sont-ils encore unis au Royaume? Hey, on a sorti le Père Noël du Royaume du Père Noël, là, le 25, pas si longtemps, là, l'insignifiant à barbe, là, le tapoteux de ses petits garnements. Et dans le top 40 aux États-Unis, hey, ils sont... Hey, aux États-Unis, hein, ils sont gourmets. Ils sont là, oh, super trempe, hein, hein. Pourquoi pas laisser la chanson « Toute la pluie tombe sur moi » Et moi, je fais comme si je ne la sentais. Tape-le. Quand la pluie tombe sur moi, je suis super trempe. Oula, dire. Et gratis, ça coûte pas cher. Certaines chansons de l'album sont de la suite régulière jouée pendant les concerts du groupe. School, ah ouais, ça c'est la chanson acide et sur l'éducation. Ben oui, c'est sûr. Acide, tous les enfants étaient sur l'acide. Ça donne une école acidulée, surette, pompette, tilon la lurette. Et puis après ça, mais il y a des albums, des pochettes d'albums qui sont, ma foi, qu'est-ce que c'est ça? Neil Young avec Miroir Ball. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour, le ciel est triste. Avec mille... Non, jamais triste, avec mille... Puis là, les gens, ça me regardent devant leur poste en disant « Qu'est-ce qu'il veut dire là? » Ben, tout simplement annoncer un titre encore de l'album de mille... de Neil Young. Là, je veux simplement vous dire que j'étais en train de rigoler sur l'album Miracle Ball de mon ami Neil Young. Mais saviez-vous? Oh! Tirez-vous l'oreille, là. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais ouvrez le tympan, là. Non. Faites pas de coupure là, budgétaire, là. Non, mais sans aucun instrument, là. Tirez l'oreille parce que je vais vous dire quelque chose. C'est pas l'expression tirer l'oreille, hein? C'est oui, mais on dit tirer l'oreille pour écouter. Bon, s'il vous plaît, si vous voulez tirer, vous étirez l'oreille. L'oreille. Mirable est un album quand même assez récent. Je pensais que c'était des années 60. Je vous fais partager mon imbécilité, hein? Et là, je m'éduque devant vous. C'est quand même pas mal. Je me suis fié uniquement par la pochette. On parlait de pochette depuis le début. On a tourné autour de la pochette. Je me suis dit, voyons donc, ça doit 74, 75. Mais non, c'est 95. Et là, grand respect. Je trouvais aussi. Bon. Vous trouviez aussi? 95, ok, Seattle. Ouais. Ça, c'est des informations que je vais vous divulguer, faites-vous-en pas. L'album dure 55 minutes et 14 secondes. Et on, le genre, là, ils ont dit, ouais, moi, écoute, j'ai écouté l'album Mirror Ball de Neil Young. Et puis, je dirais pas le punch avant pour les gens qui savent pas. Mais je placerais ça, moi, la catégorie, là, quand ils vont gagner des prix, là, quand ils vont faire quelque chose de bien, quand ils vont tirer de l'argent, quand ils vont aller voir les guichets automatiques, quand ils vont dire je peux avoir de l'argent, quand il faut cataloguer, il faut cataloguer. Donc, nous cataloguerons dans quelques secondes cet album-là comme du grunge rock. C'est pas fait dans un atelier où les vaches sont présentes, là. Mais non. C'est producteur Brendan O'Brien. Vous connaissez pas Brendan? Ben voyons donc. Brendan Band, il est piqué le gégramme. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, elle m'attend sur le chemin. Tant de choses que j'aimais bien, cela commence par un peu de chagrin. De l'Amérique, l'Amérique. T'as-tu vu le pouce? Et ça monte dans l'écho après. Donc, Brian, je vais vous dire rapidement, là, Michel Barr est demandé au bar. Là, vous avez commandé tout ça, là, pour les petits messieurs, les petites madames. Les petites madames, ils rigolent, là. Comment ça? Vous payez pas? Vous êtes pas solvable? On vous accueille quand même? Vous êtes exclu de ce bar? Qui vous a fait entrer dans ce bar? Bart Simpson, OK. Alors, on va vous dévoiler que Mirror Ball est un album de Neil Young et de Pearl Jam. Sorti en 95. Puis là, si on regarde la pochette, l'album est sublime. Là. Le disque est incroyable. Je suis encore tout remué depuis 95. C'est pour ça que je suis allé en Srénaldienne. J'ai été mêlé, puisque c'est du noir et blanc. Pochette noir et blanc. Boule disco. Non, ça, c'est du techno. Boule disco. I'll put in the air, I mean, when it went wrong. Ou non, I'm a survivor. Je connais ça l'anglais, moi. I'm a survivor. OK. En tout cas, c'est une boule. Mais je pourrais même pas dire multicolore parce que c'est monochrome. Mais qui projette de la lumière. Là. Et puis quand tu regardes à l'endo, si tu vois, au début, une fille, le doigt levé, dit « Hey, barman, c'est moi qui vais payer, barman. Bon, » Non, sans doute pas, parce que c'est une foule. Une foule dans un bar, là, à part hier, là, où j'étais avec un ami. Un ami peut-être un peu, là, en disant ami, là, mais quelqu'un. Et puis, donc, le doigt levé, mais c'est ça. Puis, tu vois d'autres publics, deux doigts, un gars. non, c'est pas du pot. Non, c'est la pochette dans l'arrière, là. Quoique, la pochette dans... C'est... ils disent quoi? Ils disent pas grand-chose. C'est extraordinaire. Les pochettes nous faisaient rêver. Aujourd'hui, ben là, t'es devant ta petite... c'est écrit MP3. Ou c'est écrit « way » ou c'est écrit « flac ». C'est écrit, qu'est-ce qu'on peut bien écrire, des points audio. Tu prends ta souris, dernier bouton à droite, premier bouton à droite, premier bouton à gauche. C'est à gauche? Ouais, c'est à gauche. Toujours à gauche. Pour l'évolution, c'est à gauche. Pour une société, c'est à droite. En tout cas, à gauche. Tu cliques à gauche, t'entends la chanson. Ah, c'est beau, la belle musique. Beau compositeur, c'est beau. Mais, pas de pochette. Où sont les pochettes? aujourd'hui, le vendredi 29. Vendredi, hey, ça, c'est à l'époque où j'étais, j'avais... Aujourd'hui, le lundi 22 janvier 2018, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Eh oui, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour de mon ami Jérémy Arcache. Jérémy Arcache est un artiste accompli qui va nous raconter sa vie, se présenter devant nous. Et je suis très heureux, très, très heureux ce soir. Et c'est très sincère. Il y a des traits là-dessus, hein? Bon, oui, mais moi, quand je souligne, moi, je mets des traits. Trêve de bavardage et laissons l'artiste s'exprimait. Et comme disait à une certaine époque notre ami Stanley Kubrick, action! Et comme dit aujourd'hui encore Claude Lelouch, action! Y a téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui y répond. Bon. Lay there till the end of the day, hiding away a few needles in the hay. 'Cause all you know is time won't stop. You get up when you can't see the moon by the window, but you think it's too soon. Some people, they're still running in the street. You keep floating and you sing all the time. And after all the world stands still, you go out to the river at dawn. You walk around trying to keep yourself warm until the day comes up. Go where you want to, but don't look back. La grande force de rester à côté, c'est que tu peux te lever à moins 5 et arriver ici à l'heure. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est une belle journée. Je voulais juste voir ta réaction. Ça te dérange sur cette table parce que je crois qu'elle est moins mouillée. Ok, c'est comme tu veux. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que tu habites dans le coin? J'habite à... À Porte de Clignancourt, donc à pas très loin, juste de l'autre côté de la butte. Alors t'as pas pris le métro 12? Parce que... Si, j'ai pris le métro 12. Ah, alors t'as monté les marches? Ouais. Ah, tu le savais pas, hein? Est-ce que tu le savais? Oui, oui, je savais. Ah, ok. Oh, c'est pas très grave. Hein. Ben, quand t'as des valises, oui, mais quand t'en as pas, non. C'est ça. Sinon, tu te lèves normalement à cette heure-ci ou t'es plus matinal que ça? Ça dépend. Ok. Ouais, en fait, ma femme, elle travaille dans des bureaux, du coup, elle se lève à 7h. Je me lève, avec elle. Mais là, t'as pas encore d'enfant, donc ça va bien. Justement, c'est dans un mois. Ah, félicitations! Voilà. Alors là, tu vas vivre l'enfer des nuits. On verra. Ouais. Ben oui, mais normalement, c'est ça. Là. Durant les premiers mois, là, si c'est pas le Hulk, là, qu'on. C'est possible. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Garçon. Ah! Le premier? Ouais. Ah! Alors? Oups! Jérémy, bonjour. Bonjour. Es-tu prêt déjà à attaquer ou tu veux... Je voulais bien commander. Ah non, mais mon café va arriver, donc par la suite, tu vas pouvoir commander. Ben, en fait, moi, je t'ai connu sur Internet, puis à travers des amis communs. Ouais. L'année dernière, j'ai essayé de te rencontrer, mais il y a eu plein d'anomalies, donc on n'était pas encore... Mais en fait, je t'ai connu sur le tard parce que j'allais quitter une semaine avant, puis bon, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Puis bon, ou t'as pas reçu ma missive, parce que lorsqu'on n'est pas amis, ça s'en va dans la section poubelle, ouais, ou pas très exactement. Loin de la poubelle. Bon. Et en fait, moi, je t'ai connu parce qu'on va, placer un peu le menu, puis on va parler de toi, l'avant et l'après-révoloir. Ouais. Donc, ça va peut-être nous éclairer... Parce bien que tu es sur plusieurs projets. Ouais. Et c'est ça l'intérêt. Bonjour. Ah oui, ça c'est super, merci. Là, je vais vous prendre un thé et un croissant, s'il vous plaît. Ok, un thé noir, un thé vert. Thé vert. Thé vert, j'ai nature ou menthe? Nature. Nature. Donc, tu es né à Paris? Non, pas exactement. Je suis né en Normandie. Ok, ah, oh, c'est très beau. Mais j'ai vécu que à Paris, mais j'ai de la famille là en Normandie. Mais est-ce que tu as choisi de venir habiter ici dû au fait que tout se passe à Paris, tout est gardé? Non, c'est mes parents qui habitaient là. Mes parents habitaient ici et travaillaient ici. Et ok. Mais Normandie, t'es resté longtemps en Normandie ou... Non, justement, je suis juste né là-bas. Ah, ok. Une fois né... Voilà. Ok, t'es arrivé à Paris. Ils sont juste allés... J'étais le premier et du coup, ma mère voulait être... de ses parents, c'est tout. Et dans ta famille, est-ce qu'il y avait des musiciens ou t'étais le seul? Ouais, il y a quelques musiciens, plutôt des musiciens classiques. Oh, ok. J'ai des oncles, enfin des frères de ma mère qui sont musiciens. Et puis après, toute ma famille est quand même assez mélomane. Ils écoutent beaucoup toujours de musique. Toujours classique. Jazz. Du jazz aussi, mais pas beaucoup de chansons. Ah, je suis allé voir Tony Bennett. Hein. Ah oui, bah oui. 95 ans, là, la voix était incroyable, effectivement. Incroyable. Ah, est-ce que les médias en ont parlé un peu? De Tony Bennett? Non, mais après le spectacle? Non, je crois pas, j'ai pas vu. Avec quelle voix, 95 ans, il tenait la note, c'était 20 minutes avant son arrivée, c'était son groupe. Ouais. Le Tony Bennett Band. Ouais. Le quartet, parce qu'ils étaient quatre. Et donc, puis lui est entré en scène 20 minutes après, et c'était... tous les standards ont été faits, ouais. Le bonhomme était... Puis il y a eu un premier appel, donc comme à 95 ans, tu ne manges pas très rapidement, il a couru pour se rendre en arrière de la scène et pour revenir, c'était trois rappels. Et donc, le jazz était dans ton environnement? Un petit peu, ouais. J'ai un oncle qui est saxophoniste et qui faisait beaucoup, beaucoup de jazz. Ouais. As-tu, par la suite, continué avec le jazz ou t'es lancé dans le rock and roll? Ouais, pas énormément. J'ai toujours bien aimé ça, mais je me suis jamais plongé vraiment dedans, quoi. Ok. Et j'étais plus vraiment dans le classique, moi, quand j'étais petit, de mes 6 à 18 ans, j'ai fait vraiment que ça et j'écoutais vraiment pas beaucoup d'autres choses. J'étais assez monomaniaque, quoi. Monomaniaque dans le classique? Ouais. Alors, avant de te lancer dans le rock'n'roll, tu as une base classique. Ouais. Mais une base uniquement amateur, c'est-à-dire que tu en écoutais, mais tu ne jouais pas d'instrument. Ah non, si, je jouais d'instrument. Okay. J'en ai étudié, j'en ai fait. J'ai fait du violoncelle, du coup, du piano. À l'âge de quel âge? 6 ans, 7 ans. 6-7 ans. À 6-7 ans, là, est-ce que c'est tes parents qui t'ont obligé ou c'est toi qui t'es. Non, c'est moi. Mais c'est pourquoi moi. Le violoncelle? Parce que c'est pas facile à travailler quand même. Non, c'est pas facile, mais en fait c'était marrant, c'était parce que j'avais une voix aiguë du coup quand j'étais petit, j'étais enfant, et du coup j'avais envie de pouvoir faire de la musique dans le grave. Ok. Et du coup c'est pour ça que je choisis du violoncelle, c'était complémentaire de ma voix quoi. Et parce que lorsque tu jouais du violoncelle, tu chantais également? Ouais. J'ai chanté déjà beaucoup même. Est-ce que tu connais Joran? Non. C'est une chanteuse québécoise qui se promène partout dans le monde. Elle joue du violoncelle et elle chante. Ah oui. Mais c'est pas du classique. Donc je ne sais même pas comment l'appeler, du jazz pop. Ok. Et donc c'est pour ça que je croyais que tu la connaissais du fait que tu jouais. Ah oui. Puis un jour, as-tu décidé de dire au violoncelle bye bye, je vais peut-être m'amener un autre instrument plus facile? Bah, pas vraiment en fait, non, parce que quand on a commencé à composer des chansons avec Ambroise et Christophe, donc les deux autres de Revolver, ouais. En fait l'idée c'était de vraiment faire un groupe acoustique et d'utiliser, du coup ils étaient à la guitare, et de faire un trio avec deux guitares, un violoncelle et trois voix. À l'âge de à partir ça, de on avait dit, j'avais 18 ans, c'est un truc comme okay. ça. Est-ce que c'est dû au disque des Beatles? Le nom? Oui. Oui. Ok. Ouais, c'est Ambroise avait un poster dans sa chambre. Ah, c'est juste ça? Ouais. Juste l'affiche, puis avec le titre Revolver, ça vous ouais, ça l'affiche vous noir et blanc, là, le dessin. Oui, oui, très oui, beau, oui, là. Oui. Mais vous versiez dans quel style à l'époque? Bah, c'était très pop, on était très fans des Beach Boys, de Neil Young, tout ça. Est-ce que tout le monde avait sa basse classique ou t'étais le seul à avoir? Il y avait un des deux autres avait aussi fait pas mal de classiques, un peu moins que moi, mais quand même beaucoup. Et on s'était rencontrés là d'ailleurs. À quel moment tu as senti que ton groupe commençait à changer de niveau? Jamais ou... Si, tu veux dire de niveau de succès ou de niveau de... Non, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce groupe-là, parce que qui ne fait pas à la maison ou entre amis un groupe, on peut s'amuser la fin de semaine ou on peut s'amuser quelques soirs par semaine à pratiquer. Ben, mais là, de là à en faire un spectacle ou à en faire des albums ou à écrire des chansons pour... Ouais, ben en fait, quand on a commencé à faire de la musique ensemble, on n'était pas trois, et c'était plus justement un groupe, pas du dimanche, mais un truc qu'on faisait un peu entre potes, quoi. Ok, ouais, voilà. Et après, il y a eu plein de chamboulements, voilà, je pense que c'est au moment où on s'est retrouvés à trois, à faire notre première maquette à trois. 19-20 ans? Ouais, c'est ça. Et ben là... En enregistrant, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. Est-ce que tout le monde voulait se consacrer dès le début au groupe ou à la musique, ou si c'est au fur et à mesure, voyant l'intérêt? C'est assez épars, parce que moi j'ai toujours voulu faire de la musique. Ça n'a jamais été une question, quoi. Mais comment tu t'es autorisé à ce constat-là parce que tes parents faisaient pas ça, donc... Puis tout le monde sait que faire de la musique, c'est pas facile, et de moins en moins facile aujourd'hui. Donc c'est un appel, c'est intérêt trop prononcé, et tu te disais, je ne peux pas faire autre chose que voilà, de la musique. Voilà, c'est ça. Je me voyais rien faire d'autre que ça, quoi. Tu vivais musique, tu te prêtais... Oui, c'était mon seul but dans la vie. et tes parents te voyaient fonctionner dans la vie avec cet amour-là de... Ouais, mes parents ont été hyper encourageants. C'est rare. Ouais, c'est rare, mais comme ils étaient passionnés de musique, si tu veux, c'était... ils le voyaient comme une chance, un peu. Tu vois. Est-ce qu'ils disaient, comme n'importe quel parent, tu passes ton bac et après tu fais ce que tu veux? Ouais, quand même. Il fallait que je passe mon bac, mais... Mais il n'y avait pas du tout de méfiance par rapport au fait de faire de la musique. J'avais de la chance parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis qui sont plus battus justement pour ça. Moi, j'ai pas du tout eu à me battre pour faire de la musique. Donc, Au sein du groupe, est-ce qu'il y avait ce consensus-là entre les enfants et les parents ou... Non. Have you seen that girl the other night at the club? She was wearing black like the other year. As a bird she came, couldn't forget her name. J-U-L-I-A, used to hate cocaine. Then we're in a bar, we couldn't get too far. dead drunk with happiness, too much to drive my car. Do you have a gun? Something must be done. Six holes in a ball, it will be such fun. It's been hard for days since I know she's in grey. It's been half a day, I still wanna play. Now she says she hates me as much as everybody. Now she says she hates me and comes over me. I remember the bar, I couldn't get too far. Dead drunk with happiness, too much to drive my car. Par exemple, entre nous trois, c'était très différent. Ok. Il y en avait un, il a dû vraiment s'engueuler avec ses parents. Et l'autre avait plutôt un peu coupé les ponts, on va dire, un peu crise d'ado, un plus-plus, quoi, un peu, voilà. Mais du coup, il habitait seul à 18 ans, et il était très indépendant, et du coup, il n'y avait pas trop de compte à rendre, si tu veux. Mais... lentement, voyant le succès arriver, ou en tout cas le travail et les chansons se terminer, est-ce que ils ont modifié un peu leur trajectoire, les parents, ou ils se sont... Ah bah oui, okay. Forcément. Et là, tout le monde quand même vit dans une harmonie passablement... Ouais. Okay. Ah oui, complètement. Et c'est à quel moment que vous avez décidé, parce que vous faisiez sans doute des interprétations comme beaucoup de groupes. Ah, de reprises? Oui. Ouais, au tout début, mais c'est une fois qu'on était trois, on a fait que des compos. Ok, et vos compositions, lequel se sentait le plus leader de... Alors, au départ, c'était beaucoup les deux autres, qui chantaient beaucoup plus que moi, parce que moi, je me sentais pas très légitime, en fait, dans la chanson. Mais tu disais que tu avais choisi le violoncelle parce que tu avais une voix plus haut perché. Ouais, mais c'était quand j'étais enfant. Ok. Du coup, après la mue, c'était différent, mais... Mais avec les deux autres, là, tu t'es senti peut-être un peu moins... Moins à l'aise, parce que c'était pas ce que je faisais d'habitude, tu vois, c'était pas la musique classique et tout, donc ah oui, ça okay. M'intéressait, mais je me sentais pas aussi à l'aise que dans le reste. Du coup, c'est petit à petit, en fait, que j'ai pris mes aises et que j'ai commencé à composer et à proposer des choses et tout, quoi. Au début, j'étais un peu, je suivais, quoi. Est-ce que, durant un moment, vous vous êtes interrogé... Est-ce que nous allons nous lancer en anglais ou en français, ou ça s'est fait tout seul sans... Ça s'est fait en anglais tout de suite, sans aucune hésitation. Parce que... Pourquoi? Déjà parce qu'on n'avait composé aucune chanson en français, donc à partir de là, c'était logique. Et puis que le fait vous de chanter... Mais moi, écrire en français, c'est trop cool. Ouais, et puis c'était... tu sais, quand tu chantes à plusieurs voix, la sonorité de la langue anglaise est quand même vachement plus inspirante. C'est pour ça que le français, ouais. Ouais, le français ça le rend très vite un peu niais ou un peu... ça lui enlève ses... personne, c'est personnel. Kitsch, hein. Kitsch. Ouais, et puis ça peut lui enlever un peu de profondeur. Comme François et ses ouais, et voilà. Ses ça peut devenir très variété dans le mauvais sens du terme. Et le rock'n'roll, est-ce que ça s'est rapidement instauré ou vous cherchiez votre style? On a très vite été dans ces influences très un peu surf, un peu ouais un peu Crosby, Stills, Nash, des trucs comme ça. Mais, à cause du fait que vous écoutiez ce genre de musique? Ouais, on écoutait que ça. C'était un problème d'ailleurs parce que du coup on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait en ce moment. Vous étiez trop près de votre un petit univers peu, ouais. Collé. Ah ouais, mais bon, quand t'es jeune, c'est normal, quoi. C'est les influences qui forment quelqu'un. T'es persuadé. Il y avait des groupes qu'on aimait, des groupes actuels qu'on aimait, hein, mais c'était... Lesquels? Alors, il y avait qui? Il y avait... on aimait beaucoup Radiohead. Mais à l'époque, c'était quel album, donc, Radiohead? C'était In Rainbows. Ah oui, OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu les suis encore, le... Ouais, là, bah, c'est un groupe, oui, c'est un groupe mythique. Même s'il y avait Arcade Fire qu'on aimait beaucoup. OK. Ah oui, ben Arcade Fire, qui est un groupe de chez moi. Ouais. Ça, ceux-là, on, vraiment, c'était un groupe qui était une référence même pour nous. Ouais, ben, en plus, c'est un, c'est un groupe vraiment uni par la colonie, hein, par, la, par l'entité même du groupe. C'est pas juste un leader, c'est tout le monde qui travaille autour. Et, ouais. Et ça a donné un succès bœuf. Tout le monde écoutait ça à une certaine époque, dans les années milieu 90, fin 90. C'était le groupe que tout le monde adorait et écoutait. Puis, mais c'était planétaire. Ouais. Il y avait des groupes comme ça, quoi, des Beyrouth, des choses comme ça. OK, ouais. Des groupes qui étaient très acoustiques, en fait, qui mélangeaient beaucoup de choses. On aimait bien ça. Et à quel moment vous avez commencé à travailler sur votre style, votre son, votre... Bon, on commençait à enregistrer, quoi. Ah, déjà? Okay. Ah bah ouais, ouais. On était... Et est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que ça s'est développé seul? Ben, il y avait un truc qui se passait quand même quand on chantait ensemble. Vraiment. Quelque chose de singulier, de... D'unique? Ouais, enfin, c'est ce qu'on ressentait, quoi. C'est ce qu'on ressentait, et puis c'est ce que nous disaient les gens aussi quand ils venaient nous écouter. Donc il y avait quand même une base naturelle, si tu veux, de si on peut dire, de style, quoi. Mais l'intérêt de ça, est-ce que c'est ce que les gens vous amènent comme critique, c'est ce qui vous fait avancer, parce qu'il n'y a pas d'album, vous faites des spectacles avant... Non, si, on a fait on a très vite été repéré par une maison de disques, et puis on a très vite enregistré un album. Avant même de faire du spectacle? Sinon, c'était un peu en même temps, quoi. On a eu beaucoup de chance, en fait, c'est allé très très vite. Et ça, ça s'est fait dans les années... 2006, 7, 8, en 3 ans, comme ça. Le premier opus, c'est 2008, je crois. Le ça, premier... ouais. Et c'est comment ça. Ça a été au début, quand un nouveau groupe, il y a tellement de groupes, surtout qui chantent en anglais. Mm. Comment ça a été accueilli du public en général? Bah, de manière... Anonyme? Assez confidentielle, ouais, quand même, au départ. Même si on était dans une maison de disques et tout, donc on appartenait quand même à une scène. Il y avait de plus en plus de groupes en français qui chantaient en anglais à cette époque-là. Il y avait les... Il y avait Yael Naïm, il y avait The Do qui arrivait, il y avait des groupes comme ça. Et du coup, on s'est un peu fait inclure dans cette scène, quoi, assez rapidement quand même. Et après, c'est l'album qu'on a enregistré, on a eu la chance d'avoir une... Es-tu content du premier album? Souvent, on met tout ce qu'on a travaillé pendant des années sur le premier album, et c'est le deuxième qui écope de tout ce travail. Ah, c'était plutôt l'inverse, mais... Ah oui, OK, vas-y. Bah parce qu'on a... Ah, c'est intéressant, ça, parce que on a enregistré le premier album. OK. Donc, on était trop contents. C'était la première fois qu'on était en grand studio. Professionnel. Ouais, on avait 2 semaines de studio. Enfin, c'était ouf, quoi. Et en fait, on a eu la chance d'avoir une chanson qui est passée beaucoup en radio. Sur laquelle radio? Parce que... Beaucoup de radios en France. OK. Même France Inter, écrit en France Inter? Ou... Ouais. OK. Mais des très grosses radios aussi, donc ça en fait, ça a été, c'est ce qui nous a un peu propulsé. D'un coup, il y avait plein de gens qui venaient au concert. Dû à un titre. Ouais. Alors, c'était le titre de la fin, sans doute. Alors que? C'était le titre de la fin. Les gens attendaient ce titre-là. Ouais, voilà, donc, ça. Vous l'avez placé à la fin pour les... Souvent, c'est ce qu'on faisait. Ouais, ouais. C'est vrai que c'était... ouais, bah, c'était ça, la chance, en fait, qui a fait qu'on a vraiment été propulsé et été dans un confort, quand même, de vie, dans le sens où on n'avait pas besoin de... On n'avait pas de stress par rapport au fait de faire des concerts, de pouvoir faire un prochain album, de... Vous étiez concentré sur la musique, c'est votre maison de disques qui travaillait sur le reste. Ouais. C'est pour les contrats, pour les concerts. Donc vous, le seul travail qui était à faire, c'était de structurer vos chansons, de les pratiquer, d'en écrire d'autres. Exactement. Et c'est votre maison qui s'occupait de tout le reste. Ouais. Le côté administratif, chiant que... Ça, c'est groupes... vraiment une chance. Oui, ben oui. Alors, vous étiez quand même dans une certaine limousine, un certain confort que plein de groupes aimeraient avoir. Ouais, mais ça, on s'en rendait pas compte, mais oui, OK, parce que vous On avait 20 ans. Ah oui, c'est ça, vous étiez fou. Mais pourquoi les maisons, une maison s'est intéressée directement à vous dès le début? Ben, on a eu beaucoup de chance. Parce que. C'est très cool, la chance, là, parce que le terme chance est arrivé une fois que les autres groupes vous disaient « Ah, ben moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Ouais, voilà. Okay. On était quand même conscients que c'était rare. OK, bon, déjà là. Okay. Ouais. En fait, on a eu de la chance parce qu'il y avait un directeur artistique chez IMI qui était tout jeune, qui avait limite pas loin de notre âge, qui venait d'arriver. Et il avait entendu parler de nous par un ami. Il était venu nous écouter et je pense que le fait d'être jeune et tout, il avait envie, tu vois, il avait envie de faire des choses nouvelles, des choses un peu... Sortir un peu de l'ordinaire. Ouais. C'était un groupe, c'était une étiquette qui commençait à s'endormir tranquillement. Donc c'est pour ça qu'ils ont embauché des gens pour sortir un peu de... Peut-être. Et du coup, ouais, on était un peu son poulain, quoi. Donc c'était forcément... motivant pour lui, et il était à fond. Est-ce qu'une maison de disque arrive même quelquefois à vous dire « Ben, moi, je fais pas ça comme ça », ou si vous laissez carte blanche sur tout? Une maison de disque, des fois, elle se place comme un parent en disant « Oh, ben, moi, c'est pas ça que... » Non, il n'y a pas... Je sais pas. Franchement, j'étais tellement jeune que... Ben, 19 ans, 18, 19 ans. Ouais, voilà, j'avais 19 ans. Et... Tu t'en es pas aperçu? Non, pas trop en fait. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone, we need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone, we need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Sail away. on avait quand même l'impression d'être très libre. Quand c'est même. Déjà beaucoup, ça devait être ça aussi. Ouais, ouais. Donc après, peut-être c'était pas vrai, je sais pas. Ok. Mais je pense que ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Non, non, c'est ça. Parce que l'étiquette, la maison de disque, vous êtes des jeunes, nous on sait comment ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... on n'a pas eu ça. Ok. Donc, on parlait, c'est ça, de professionnalisme, d'album fait en 2 semaines dans des conditions très intéressantes. Donc, vous étiez plutôt concentré sur vos trucs. Ouais. Et lorsque vous avez enregistré, avez-vous déjà senti qu'il se passait quelque chose? Nous, c'était vraiment la continuité, si tu veux. On avait envie de faire quelque chose de très, très, très bien, tu vois. Du coup, on était avec nos doutes et nos... on était à la fois convaincus et complètement angoissés. Donc, c'était... Pas comme tout le monde, hein, comme tous les gens qui font ça, mais... Du coup, ouais, on était convaincus qu'on faisait quelque chose de très bien, quand même. Et tout le monde autour, votre maison dit, vous disait, bah oui, il vous tapait sur l'épaule, ouais. On continue. Ouais, ouais, il y avait une confiance... Mais grâce au succès de votre première... vous aviez un titre qui a roulé quand même un peu partout dans les radios. Mm. Et c'est suite à ça, quand même, que vous vous êtes lancé, propulsé, Ouais. Dans le milieu, dans la musique, dans le... Le nom a commencé de Revolver, ouais, a ouais. commencé à faire Puis ça. On était un groupe... on a quand même assez vite été un groupe assez respecté parce qu'on était des... On était considérés comme des vrais musiciens. Ah ben oui, ok, oui, dans la le basse sens classique. Où, ouais, la basse classique, le fait qu'on chante tous les trois, c'était très juste. On travaillait beaucoup, on était hyper exigeants avec nous-mêmes. Du coup, on a très vite senti que les gens nous respectaient beaucoup dans ce sens-là, quoi. Et ça vous a flatté. Bah ouais, parce que c'était ce qu'on voulait, quoi. Ouais. En fait. Ouais. Enfin, c'est plutôt bien quand on te flatte sur un truc que tu bosses à fond, quoi. Mm-hmm. Ça veut dire que t'as raison, quoi. Ils reconnaissent le travail, la besogne. Exactement. Et est-ce que vous savez, parce que souvent, quand t'es dans le milieu depuis le début, tu sens que ce titre-là va arriver à quelque chose. C'est celui-là qui va être la locomotive de la bonne. Ah, je sais pas trop. Ou si ça vous a surpris que le public s'arrête ou les maisons de radio s'arrêtent sur ce titre. Non, ça nous a pas surpris non plus, okay. Mais on n'était pas encore dans le calcul. Il n'y avait pas trop de... Ouais, je sais pas. Et comment ça... Parce que, tu sais, quand t'es pas connu et que tu arrives à entendre une chanson à la radio, comment vous avez vécu ça? Comment quoi? Comment vous avez vécu le fait de vous entendre à la radio? Ah, c'était incroyable. Ça, c'était fou. Je me souviens de la première fois. On était tous les trois ensemble en plus, donc c'était marrant. Et c'était où? C'était dans une voiture dans le sud, vers Bordeaux. Et bah, c'était fou, quoi. On était comme des gamins, quoi. Mais là, est-ce que votre maison de disque vous a dit, écoutez, là, si vous synchronisez Skyrock, vous allez vous entendre, ou si vous êtes arrivé par hasard sur votre tel... Non, c'était par hasard. OK. Avez-vous appelé votre maison de disque? Hey, on est passé à... Bon, on était avec notre manager. Et ah, ça, voilà, OK, lui. Le... Ça nous a suffi. Et lui, devait être... Ouais, il était trop content. Voilà. Ben, on le savait qu'on passait à la radio, tu vois. Donc, tout le monde le disait, donc on n'avait jamais eu l'occasion d'entendre. Du coup, c'était marrant, quoi. Enfin, c'est... Une fois que les radios ont suivi, le fait de s'entendre régulièrement, qu'est-ce que ça procure? Bon, moi, j'écoutais pas beaucoup la radio, du coup, je m'entendais pas souvent. Ok, donc ça ne va pas trop dérangé. Non, ouais. Mais les parents vous ont légitimé. Ouais, en disant, ouais, bah, là, je savais que vous alliez vous rendre là. Ouais, voilà. Enfin, vous êtes super cool, continuez les enfants. Ouais, c'était ça. Et suite à une chanson qui fonctionne sur l'album, le deuxième opus, avez-vous gravité autour de ce qui fonctionnait le plus sur votre... Alors, on n'a pas du tout réfléchi comme ça, non. OK. On a été... En fait, on a beaucoup évolué sur scène. On a beaucoup appris sur... Alors, vous êtes plus un groupe de scène, comme je le disais au début. Vous êtes, Ouais, bah, en tout cas, c'est ce qu'on avait envie d'être. Et du coup, on a fait... On a pas mal bossé, fait évoluer les morceaux. On a écouté beaucoup, beaucoup de musique, on a découvert énormément de musique, on a écouté pas mal de musique des années 70-80, pas mal de Phoenix, dû aux gens qu'on rencontrait, quoi, qui étaient très des professionnels de la musique, entre guillemets, qui avaient une vraie culture du bien-faire, quoi, de comment on fait bien de la musique, comment on est précis, comment on est le groove, toutes ces choses-là. Moi, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique soul, de hip-hop. J'ai découvert plein de trucs à ce moment-là. J'étais genre en, on demande de beaucoup de gens de me faire écouter plein de musique que je connaissais pas. Et du coup, on était tous comme ça et on n'a pas tous écouté les mêmes choses à ce moment-là, c'est marrant. Intéressant parce que le groupe a évolué, mais avec plusieurs enrichissements différents. Ouais, il y avait un groupe qui nous réunissait pas mal, c'était les Talking Heads, qui était vraiment... C'est un vieux groupe. Ouais, un groupe assez référence, qu'on respectait beaucoup pour plein de raisons, vraiment, notamment la scène, le mélange, l'intensité dans le chant, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a plus cherché à aller dans ce sens-là sur le deuxième album. Donc, plus produit, plus... en essayant de mélanger beaucoup de choses aussi qu'on aimait. Vous avez essayé de créer sur le deuxième album le live, la condition live? Non. Non? Ok. On a essayé de créer vraiment plus de la... plus un... Comment dire? Plus de faire des mélanges, en fait. On a essayé de... mélanger une chanson, tout... un univers. Non, pas non plus de façon aussi directe, mais disons que on essayait de pas être dans un truc de réflexe, de faire de la musique un peu pop des années 60. Okay, ouais, pour vous détacher un peu. Ouais. Avoir un peu de référence, mais au moment où vous l'enregistriez. Ouais. Donc avoir un son. Ouais, on n'écoutait plus du tout les Beatles, plus du tout les Kinks. Okay, ouais, c'était fini, enfin fini, c'était... Non, mais là, c'était... la base était là, donc voilà. Là, vous avez surenchéré avec d'autres chansons, avec d'autres groupes. Voilà. On a écouté pas mal Bowie. Ah oui. Beaucoup Bowie, mais pas la première période qu'on connaissait déjà, mais plus la suite. Let's Dance, tout ça. Voilà, tout ça. Scary Monsters, c'est tout. Mais ce que je veux aussi franchir avec toi, c'est que du premier album jusqu'à ce que vous le fassiez sur scène, est-ce que les chansons ont évolué du premier album? Ah bah oui, sur scène elle a beaucoup changé. Ouais. Alors lorsque tu réécoutes aujourd'hui ton premier album... Ça m'arrive très rarement. Ouais, non, mais exemple, vous êtes dans une soirée, là, vous avez commencé à déboucher quelques bouteilles et vous arrivez pour rigoler, on va écouter le premier album. Êtes-vous critique ou si vous êtes très content encore du premier opus que vous avez... Ah, moi, maintenant, c'est nostalgique, quoi. OK. Donc, vous respectez votre premier album. Ouais, complètement. Vous n'êtes pas du genre à dire, ouais, mais ça, on c'est se rend un compte sens. Des choses qui étaient complètement incongrues, des choses qu'on avait en tête qui nous paraissaient évidentes et qui... Maintenant, ça nous paraît bizarre d'avoir fait ça, par moments. Des choix étonnants de... Ouais, de prod ou de d'enchaînement d'accords ou même de voix. Qu'on ferait pas pareil aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, on l'écoute peut-être presque comme on écouterait l'album de quelqu'un d'autre. Okay. Et voilà, ça m'est arrivé il y a un an, je crois, quelqu'un avait mis l'album comme ça. Et il y avait des choses où je me disais, ah, c'est pas mal. Mais donc, comme si c'était quelqu'un d'autre, quoi, pas genre en mode. T'étais en dehors, vraiment, t'étais loin de ton sujet. Ouais. Donc, tu pouvais autocritiquer ce que ouais, vous avez voilà. fait. Mais de manière vraiment distante. Et c'est vrai qu'il y avait des choses, originales, quoi, vraiment. Par rapport à ce que j'écoute. Et je me disais, ah, c'est surprenant, quoi. Mais aujourd'hui, sur scène, parce que je ne vous ai jamais vu sur scène, je vous ai entendu sur Internet, j'ai écouté les albums, surtout les deux premiers. Ensuite, ben là, ça a été plus difficile à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu plus de difficulté à trouver des albums par la suite. Parce qu'il n'y en a pas. Ah, OK, vous en avez juste deux? Ouais. OK. Alors, là, tu me rassures un peu. Parce que là, lorsque vous avez commencé à faire le deuxième album et que le premier a été lancé, vous faisiez encore des spectacles. Ouais. Et le premier opus, sur scène, a été modifié. Avec, bien sûr, toute la stratégie du fait que vous êtes habitué des jouets et que vous voulez peut-être rajouter des grains de sel et le rendre à l'actualité plus actuel. Mm-hmm. Êtes-vous content de ce que le premier album est devenu aujourd'hui sur scène? Si vous en faites de moins en moins? Bah là, on n'en fait plus parce qu'en fait, on a un peu mis en pause aussi le groupe là en ce moment. Pourquoi? Pour faire, pour se consacrer à d'autres projets. OK. Parce que là, il s'était saoulé un peu, Revolver. Non, mais on faisait que ça. Ok. On faisait que ça, et on avait le temps ça pour rien d'autre. Ça fait un peu là, que vous êtes reposé. Ça fait deux, trois ans, deux ans et demi. Well, I've been dreaming all day about rafts made of junk, sailing around with friends by my side. I could read their lives on their skin and the future in tin cans, standing in the sun like pirate band. Soon you'll forget everything you're supposed to need, and you're living on a raft with Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Another hangover day, traveling through spaces, cheap wine in a bag, a typewriter by my side. Everyone's drifting, everyone's waiting for something. I hope someday I'll find the Dharma way of life. On a raft with Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Luke, Mike and John. Mais travailler en groupe, est-ce que ça crée quelquefois la zizanie, des petits problèmes d'ego? Bah, il y a toujours des problèmes d'ego, c'est ouais. sûr. Mais après, on était plutôt dans la communication et. Enfin, des problèmes qu'il y a tout le temps, en fait. Pas parce qu'on s'aime pas, mais plus parce que juste dans le travail, dans. Forcément. Dans le foyer, quelquefois, c'est comme deux frères. Hein, y a ouais, des... voilà. Et du coup, on est. En fait, à un moment, on a voulu prendre du temps, quoi. Parce que moi, j'avais envie de monter Code, donc le fameux projet d'orchestre. Dont je commençais à avoir l'idée et avais-tu déjà repéré certains musiciens qui ouais ouais ouais bah, je commençais doucement quoi à me consacrer à ça ouais et en fait c'est pour moi c'était aussi une manière de revenir à la musique classique quelque part, renouer avec des amis que j'avais plus là, le temps de voir est plus même, ouais le public là, c'est est plus terminé, là. Mais du coup j'étais dans d'autres idées et qui étaient parallèles à Revolver mais je pouvais pas les mettre dans Revolver donc et on s'est retrouvés tous un peu avec des envies comme ça un peu différentes. Et le groupe est constitué de combien de musiciens? De quel groupe? Ben, le nouveau groupe que tu as mis de l'avant. Le groupe d'orchestre? Oui. C'est assez variable en fait, ça dépend okay, des projets. Ouais, c'est entre 4 et 15 quoi. Mais comment vous arrivez à vous pratiquer les 15 ensemble? Et c'est un projet très très différent qui ressemble plus à un projet d'orchestre si tu veux, où moi je suis un peu plus directeur musical ouais, ou directeur artistique, je sais pas trop comment on pourrait dire. Ouais, et du coup on monte des projets sur lesquels on appelle des musiciens qui sont des musiciens que j'ai rencontrés il y a. Alors une liste de musiciens que je suis motivé pour le projet et tout. Et après ça n'a rien à voir avec un groupe de pop parce que dans le sens où il faut tout créer en fait, parce que rien n'existe dans ce créneau-là, si tu veux. Et moi j'avais envie de faire de la musique orchestrale, pas forcément de la musique classique uniquement. Et du coup, de faire beaucoup de collaborations en fait, avec des artistes électro, avec des chanteurs, avec des. On a fait beaucoup d'arrangements, on a fait un spectacle transmusical de Rennes il y a un an et demi. Et comment ça a été accueilli? Bah, très bien, parce que c'était très surprenant quoi, pour les gens. Étiez-vous les 15 sur scène? On était 12 plus Superpose qui fait de la musique électronique. Ouais. Et Dream Koala qui fait des chansons très influencées électro, un peu noise aussi. On avait fait ce projet un peu en collectif, si tu veux. Et on a monté un live en quatre jours avec 6 mois de compo avant, quoi. Actuellement, vous avez combien de chansons? De quoi? De préparer, de... Comment vous avez... De collaborations, ouais. Comme ça? On peut pas appeler ça des chansons ou des collaborations? Non, c'est plus des collaborations. Okay, ouais. On en a fait beaucoup, beaucoup. On a un bon répertoire, là. On commence à avoir... Je ne saurais pas dire. On a fait beaucoup de choses, quoi. Des sessions en studio, des lives, des... Et en fait, là, en ce moment, le projet commence à se concrétiser un peu différemment parce qu'on a envie de... On a envie d'exister de manière indépendante aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça veut dire de faire vraiment de la création purement instrumentale et quelque chose d'un peu plus... moins affilié musique actuelle ou okay. un peu moins... Alors plus classique. Ouais, plus expérimental. Ah, intéressant. Et voilà, on questionne un peu ce que c'est que l'orchestre, ce que c'est que la musique orchestrale et comment on... Est-ce que tu te réfères à certains grands maîtres ou... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées. Donc, il y a plein de... D'avenues. Comment? Plein d'avenues qui ont... Il y a un mec qui nous influence pas mal qui s'appelle Sonlux. Sonlux? Ouais, tu connais, je sais pas. C'est un mec... S-O-N-L-U-X? S-O-N-L-U-X. Qui fait des chansons, qui fait de la musique électro en deux mots. Ouais, en deux mots. Okay. Qui fait de la musique électronique et des chansons aussi, et il participe à plein de projets différents. C'est lui, non, il est. Il vit à New York, je crois, mais. Okay. Il me semble qu'il est plutôt scandinave. Okay. Oh. Je sais plus exactement. Okay. Et des gens comme ça, des gens qui sont un peu à la frontière en fait entre plusieurs choses. Il y a Philippe Glass, des choses comme ça. Il y a des gens, des compositeurs beaucoup plus vieux aussi, des mecs qui ont réécrit des musiques ou revues. Il y a plusieurs compositeurs au début du XXe siècle qui ont fait ça avec la musique de Bach par exemple, réécrit, un peu réarrangé. Réinterprété, je ne sais pas trop comment on pourrait dire. Il y a Webern qui a fait ça, par exemple. Réactualiser, ça serait peut-être exagéré. Ouais, c'est... Mettre au goût du jour, c'est peut-être... Non, mettre au goût du jour, c'est pas vraiment l'idée. Ouais, c'est plus le... Avec les styles qui existent aujourd'hui... Ouais, voilà, puis les moyens, surtout. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les moyens d'enregistrement, en fait. Alors, vous êtes plus électronique ou plus... On est... C'est un peu entre les deux. Parce qu'on va faire. Là, l'idée, c'est qu'on fasse des EP avec ce projet-là et qui va être à la frontière en fait. On va faire beaucoup de synthèses sonores à partir de sons enregistrés. Ça, j'adore ça. Donc, c'est des genres de sampling. Ouais, des genres de sampling un peu améliorés. Quoi. C'est un projet plus vague et un peu plus. Un peu plus abstrait parce que disons qu'on... Si, il y a un mec qui s'appelle Max Richter qui fait des choses très très bien dans ce bout-là, si on veut, mais plus de manière très classique, c'est-à-dire qu'avec un vrai orchestre et... Là, nous, c'est plus réduit et c'est plus... fait à la maison. Non, pas de synthé. Okay. Vraiment tout acoustique. Okay. Et voilà, donc c'est ça, ça fait partie des actualités en cours, si tu veux. Une petite question comme ça, parce que l'intérêt est là. Est-ce que les gens qui écoutaient Revolver se sont intéressés à ce que vous faisiez ou vous avez comme perdu un certain public? Je pense qu'on l'a... Ça dépend des projets. Il y a Ambroise a fait un projet vraiment en anglais aussi, un peu plus électronique, qui je pense a réuni quelques fans de Revolver. Mais après, franchement, c'est très difficile de savoir. Mais aujourd'hui, je pense que c'est difficile de faire suivre vraiment une fanbase, comme on dit. C'est difficile de la maîtriser, en fait. Mais là, votre maison de disques de l'époque, des deux albums, est-ce qu'ils t'ont suivi dans ton délire? Non, eux, ils sont dans... Bah, déjà, ils ont été vachement restructurés. C'est plus du tout les mêmes. Ils ont acheté beaucoup d'artistes. Et, ouais. Ça, c'est triste. Hein. Ouais, bon. Non, c'est la vie. Hein. C'est des boîtes... voilà, qui doivent fonctionner. Qui sont au CAC 40 et qui font... Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, le virage que t'as emprunté, c'est donc une évolution normale des choses. Bah, normale de mon point de vue, en tout cas. Non, ben oui, c'est ça. Donc, tu t'es pas rebuté à vouloir travailler sur le succès. Tu t'es dit non, moi c'est pas ça que je veux. Bah, au contraire, même, c'est un truc qu'on s'est dit tous les trois. C'est que, justement, on voulait profiter du fait d'avoir du succès et d'avoir un confort de vie pour... on était encore jeunes, ouais. C'était encore le moment, tu vois, de... 27, ouais, on a même pas, moi j'avais 25-26 ans, ouais. Okay. C'était encore le moment de créer des nouvelles choses et plutôt que de le faire au moment où ça marche plus, tu vois. Mais là, ok, parce que ça commençait à s'étioler un peu, le groupe? Non, pas du tout. Okay. C'était, on aurait pu faire un troisième album, un quatrième, je pense. Est-ce que vous vous reprenez? On aurait eu un rythme de croisière. Quoi, ok, si parfait. Alors, un groupe un peu comme les Rolling Stones, on n'abandonne pas. Non, mais ouais, pour si on veut. On va synthétiser, là, mais vous auriez pu enchaîner album sur album. Ouais. Mais est-ce que vous voyez encore le groupe Revolver? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai fait une musique de film avec un des deux autres. C'est tout, qui tout récemment. Pour faire ça, ouais, parce que j'en ai entendu parler. Musique de film, oui. Diamond Island. Oui. C'est tout simplement le réalisateur qui est un pote, un ami. Ah, ok, les amis, ça aide beaucoup. Ouais, hein. c'est beaucoup plus simple. Mais est-ce qu'il t'a demandé, est-ce qu'il vous a demandé au groupe, j'aimerais que vous vous lanciez un peu comme dans à la belle époque de Revolver? Ou... Non, pas du tout. Ok. Ils vous ont ils t'ont laissé carte blanche. Ouais, et puis c'était vraiment indépendamment de Revolver, c'était quelque chose de... Moi j'avais j'avais l'orchestre, du coup ça l'intéressait pas mal pour la musique de film forcément. Et après, au fait, ouais, c'est venu hyper naturellement et on a fait les choses entre amis en fait. Lui c'était son premier long métrage. Et on a vraiment. Moi je suis vraiment très content de ce projet-là parce que ça. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir faire de la musique de film comme j'ai l'impression qu'il faut la faire. Hey, hey, don't run away. I'm not what they say. No, I won't do you no harm. Sometimes looks can be deceptive, but it's hard to accept. My intentions are good. Lovely, don't say you're sorry. Am I talking sense? Oh, please let me take a chance. Tonight's not what I expected. With all due respect, it all happened so fast. Take my hand and understand, that's how it began. Stay sentais pas interpellé, quand. Ouais, puis parce que j'ai du mal avec les, par exemple, les coups d'épée dans l'eau, les choses, tu vois, qui construisent pas grand-chose. Ah ouais. Je dis pas oui pour un truc comme ça, épisodique, quoi, qui amènera à rien. Tu dois avoir quand même un certain enracinement, tu dois, ouais, tu me, dois... dire, me dire que ça peut aller quelque part. Okay. Ouais. C'est important pour moi. Aboutir, parce que tu veux pas travailler pour rien. Ouais, j'aime pas, ouais, j'aime pas travailler pour juste être payé un concert, quoi. Ça me saoule un peu. La question qui s'ouvre, qu'est-ce que tu te vois comment dans quelques années? J'aimerais bien pouvoir faire des albums avec mon frère, pas mal. Ok, ah oui, parce que là tu sens qu'il y a de l'osmose. Ouais, et que parallèlement, ce projet Code puisse se développer de manière pas complètement indépendante de moi, mais en tout cas que je sois là comme garant, si tu veux, du bien fondé de la direction, oh, si oui, tu veux. Je comprends. Mais je suis pas tout seul dans ce projet-là, on est même deux à s'en occuper. Ouais. Donc y a un truc où j'aimerais bien pas être pouvoir être le leader quand il y a vraiment besoin d'incarner la chose. Mais en tout cas, de pouvoir être là aussi un peu avec une certaine distance. Et par contre, le projet avec mon frère qui est un truc quand même beaucoup plus intime où je compose des chansons, être vraiment à fond, quoi. Et puis après avoir plein de petits trucs autour. Ah, mais comme d'habitude mais avoir deux fonds. Mais quand même, ouais. Deux enracinements et tout ce qui gravite, tout le branchage. Ouais, ça j'aimerais bien quand même. Mais je suis pas attaché non plus, je veux dire, si ça se passe pas, c'est pas grave. Mais après ça, on va se quitter avec la dernière question. Es-tu content, es-tu fier de ce que tu as apporté, non pas à la musique, mais à la création que tu fais depuis le début? Ouais, moi j'ai l'impression de me développer et de m'ouvrir de plus en plus depuis que j'ai 18 ans. Vis-tu encore un rêve? Là, tu t'es posé, peut-être en déposant Revolver, tu t'es posé pour pouvoir... tu vis encore dans un rêve? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi les gens... Ouais, il y a des moments je me dis c'est quand même génial. Je vois toujours que des gens que j'aime, que je trouve hyper intéressants. Je me dis que je suis au bon endroit, en fait. Souvent, je me dis ça. Je me dis que je suis au bon endroit, au bon moment, par rapport à ce que je suis. Tu vois, par rapport à... Pas dans le sens où tout le monde devrait être à ma place, mais dans le sens où j'ai l'impression d'avoir quand même trouvé ma place, mon cercle d'amis, de travail, de... Alors, t'as trouvé ton chemin, ton... Ouais, quand même. Ça me rassure quand j'appelle un pote pour le retrouver et qu'on parle de ce qu'on fait et tout, que lui me parle de ce qu'il fait et tout, je me dis, ah, il y a quelque chose. Je suis content de là où je suis et d'être avec lui, que je puisse être avec lui et que lui puisse être avec moi. Tu vois, on est bien, quoi. C'est quand même rare, je crois. Ben c'est sûr, c'est un luxe. Carrément. C'est carrément un luxe. Alors, si on veut te suivre dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est vraiment ton frère? Ouais. Le projet Code? Mon frère et moi et le projet Code. Ça, c'est là où... C'est le truc les principaux. Après, il y a toutes les autres choses qui gravitent autour. En tapant sur internet, je pense qu'on le trouvera. Oh oui, dans l'actualité de... Ouais. Et mon frère et moi, ouais, sur Facebook, c'est mon frère et moi musique, je crois. Oui. Et Code, c'est Code for Music. Code for, ok. Voilà. Ben, merci d'être passé à mon émission. Ben, merci. Puis écoute, on te suit de près. Ben ouais, j'espère. Et on espère... As-tu beaucoup voyagé avec la musique? Et non pas au niveau intellectuel, mais au niveau physique. Physique, ouais, j'ai été aux États-Unis, en Asie, au Québec. À quel endroit au Québec? Montréal. Ok. Au festival de jazz, festival de... Non, c'était pas un festival, c'était la salle là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié, j'ai fait plusieurs dates. Une grande salle, une belle salle? Une belle salle quand même, je me souviens. Je me souviens plus. Pourquoi pour ton groupe? Pour Revolver. Ok. On a beaucoup voyagé pour Revolver. Mais après, je suis très attaché à développer des choses en France. Ok. J'aime bien l'idée de voyager et tout, mais je trouve ça... Le fondement, ça passe ici. Je trouve qu'il y a des choses à faire ici, quoi. Et tu exportes lorsque c'est déjà fait, Et puis j'ai un petit côté, je sais pas pourquoi, mais je me dis, tu vas prendre l'avion, tu vois, c'est beaucoup de, ouais, et puis c'est beaucoup de pétrole. Ah oui, oui, mais on quand même. Je me dis, alors qu'il y a des choses à faire chez nous. Ouais, mais nous sommes plusieurs, donc on dépense pas du pétrole uniquement pour soi. Là. Non, je sais, mais il y a. On est colonisé comme à l'Ébachon, on pouvait coloniser à la dernière fois. Ouais, mais je me dis, comme il y a des choses à faire ici, la musique, tu peux la faire voyager par internet, tu vois, aussi. Donc, non, mais on veut voir le groupe, on veut voir le chanteur. Voilà, ouais, non, mais s'il y a vraiment une opportunité et un besoin certain, oui, c'est sûr, on va pas refuser. Mais je suis quand même très attaché à ce que ça se développe ici, en France. Est-ce que le public est le même partout, en général ? Non. La culture est très différente, même aux frontières, hein, même en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Rien à voir, la manière dont les gens écoutent la musique. C'est très très différent. Et c'est vrai que la France, on est un pays de culture, mais pas vraiment de musique. On a souvent la musique est abordée de manière culturelle. Alors que j'ai l'impression que dans d'autres pays, la musique est abordée vraiment comme de la musique. Ah, oui, c'est-à-dire oui, okay. Que genre juste on est passionné de musique, quoi. Alors qu'ici, il y a quelque chose d'un peu. Il y a quelque chose d'un peu esthète. Oui. Tu vois ce que je veux dire, un peu. Tandis que la littérature, c'est rapidement ouverte à tout le monde. Ouais. Et la musique est pour certains élites et pour certaines. Bah, même la littérature, c'est quand même. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent beaucoup. Hein. Ah oui. Ah. Qui s'intéressent vraiment à la littérature. Ah, okay. Ah. Je pense pas. Tu vois, c'est les néophytes. Un petit peu. Après, il y a des trucs. Je m'entends hein, quand je parle de littérature. Oh, oh, oh, oh. C'est comme les gens qui écoutent. C'est comme la musique. Tu vois, t'as la musique de consommation et puis la musique qu'on écoute, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, la musique qui nous parle et qui nous... S'interpelle. Ouais, qu'on écoute vraiment. Ouais. Parce que la musique de consommation, il y a un truc... Tu peux laver ta vaisselle en écoutant... oui, ouais, puis les gens souvent écoutent pas... Souvent, il y a des gens qui me disent qu'ils écoutent pas de musique alors qu'ils écoutent la radio, tu vois. Non, ouais, c'est ça. C'est pas moi qui... Enfin, c'est dans le sens, c'est pas du tout... Je le dis pas comme quelque chose de négatif, hein, c'est un constat. C'est-à-dire que les gens, ils mettent la radio pas pour écouter de la musique. Il y a beaucoup de gens qui mettent la radio. Pour eux, ils vont pas te dire qu'ils écoutent de la musique. C'est un ameublement, donc ouais. c'est pour empêcher le silence de les envahir. Ouais. C'est comme Jean-Pierre Coff qui disait, on bouffe pas, on mange. Donc on écoute de la musique un peu comme on bouffe. Exactement. On est rarement devant son appareil à se laisser imprégner. Il faut que ça accompagne quelque chose. Mm. Un peu comme dans un bar, on met de la musique pour l'ambiance, ouais. Créer l'ambiance. Mais quoique, on peut écouter de la musique aussi pour ça, ben ouais. Mais on doit s'arrêter à un moment donné, comme on s'arrête pour lire un livre. Ouais. S'arrêter pour écouter de la musique. Ben, si on veut... Approfondir. Approfondir, en tout cas, c'est sûr. Ben, si on veut pouvoir dire j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. C'est comme ça, en tout cas. Ben, écoute, on va écouter. On ouais. va t'écouter, on va bah, te merci. Suivre d'après, et puis merci d'avoir passé. On s'est enfin rencontrés ouais. aujourd'hui, sous la pluie, ouais. mais à comme Paris. Nous sommes lumineux, ça paraîtra même pas. Ouais, à fond. Mais on va entendre plus. Peut-être le son de la pluie. Merci. De rien. Salut. Bon. Excellent. For me, this wind and the right wind for me. living in a ghost town. I'm sleepwalking the easy way out. It's been too long, now I don't know what's right. It's so hard to remember. But I'm falling, listen, surely, but I'm falling, listen, surely. This wind ain't the right wind for me. This wind ain't the right wind for me. This wind ain't the right wind for me. Farther down the line, the stage is set and the crowd is sitting down. Then the lights came on, but I couldn't make a sound. Look around, it's like living in a ghost town. I'm sleepwalking the easy way out. It's been too long, now I don't know what's right. It's so hard to remember. By the morning she was gone without a sound. The sun shone in and things were all around. And the only thing she had left me was a light. At first I couldn't understand. Si je vous ai bien compris,